بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وزعيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. C'est toujours un immense plaisir de vous voir, Omé. Attendez, j'essaie d'arranger le micro. Ça fasse trop brouillon. Juste que si on m'entend bien. Je sais pas si c'est. Qu'est-ce que t'en penses? Ça le fait ou pas? Non, ça sent trop bon. Trop bon? Ah, c'est bon, je pense. On m'entend bien là, ça va? Ouais. Pas que je me fatigue non plus par la voix. Donc, c'est un plaisir en tout cas d'être à nouveau ici pour nos rencontres ramadaniennes, si je puis dire. Et j'espère que pour vous, Ramadan a bien commencé. Que là, on est quasiment au terme d'une semaine. Peut-être pour certains d'entre vous, les troubles que ça a pu causer, alimentaire, sommeil, soif, sont passés. Peut-être que d'autres, c'est encore dedans. Donc, on est en train d'essayer de passer par ça très doucement. En tout cas, pour aller droit au but, toujours un petit peu sur la continuité de ce qu'on avait vu la semaine dernière. La semaine dernière, on avait un peu parlé de la question de la doua, de ce qu'on appelait l'invocation. Alors, je fais toujours exprès, hein, je fais ça, je fais un petit mémo sur ce qu'on, bientôt sur ce qu'on a fait la semaine dernière, et ça me permet de mieux attaquer ce qu'on va voir cette semaine. La semaine dernière, on avait parlé effectivement de la doua, et en somme, j'avais beaucoup insisté sur le fait que, tout comme on avait pris l'exemple des offres d'emploi, pour parler de l'offre d'emploi, entre l'offre d'emploi et la candidature spontanée, et qu'on expliquait justement, j'avais expliqué que vous avez ce que Dieu vous offre comme invocation. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Notre Seigneur, accorde-nous la meilleure part dans ce bas monde et accorde-nous la meilleure part dans l'au-delà. Et épargne-nous, écarte-nous de l'enfer, et préserve-nous de l'enfer. Et donc, justement, dans ce cas de la doa, par exemple, ça, c'est une offre d'emploi, c'est une offre de doa, c'est une doa offerte, Dieu nous l'offre. Et c'est une doa, comme je dis, une doa information. Dieu nous informe à travers cette doa, il nous informe de la nécessité d'avoir une bonne vie dans ce bas monde, de la nécessité d'avoir une bonne vie dans ce bas monde, dans l'objectif d'avoir une bonne vie dans l'au-delà, et la nécessité d'avoir un bon équilibre dans. Cette double volonté, hein, d'avoir un équilibre, d'être toujours clair et juste dans ces deux domaines, le domaine de Dunya et dans le domaine de l'Akhira, de maintenant et de l'après, pour que comme ça on ne se retrouve pas à voir Adab al-Nar, le châtiment de l'enfer. Parce qu'effectivement, malheureusement, beaucoup de gens, c'est pour ça que cette doit être une information très importante où Dieu nous informe que oui, des gens se retrouvent soit, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le verset juste avant, des gens se retrouvent à ne vouloir que le bas monde. Et Dieu dit quoi? Il dit, eh bien, ils l'obtiennent. Ceux qui le veulent vraiment. Hein, ceux qui le veulent vraiment obtiennent le bas monde. Parce qu'ils savent qu'il faut respecter un certain nombre de règles, hein, en termes de savoir, en termes de technique, en termes de compétences, ce qu'on appelle l'éthique de personnalité. Ils arrivent à avoir un certain nombre de principes pour pouvoir accomplir et réaliser leur objectif. Avoir dunya. Et d'autres, et regardez, c'est ça qui est très fort, c'est que Dieu dit carrément que ça n'existe pas. Ça c'est important dans le Coran, ça n'existe pas quelqu'un qui veut que l'akhirah. Oui. Quelqu'un qui veut que l'au-delà, ça n'existe pas. Parce que c'est faux, déjà c'est faux. Parce que tu ne peux pas vouloir l'akhirah si tu ne passes pas par le dunya. Tu ne peux pas vouloir la bonne vie après, parce que la bonne vie après n'est que le résultat de la vie d'ici-bas. Donc tu ne peux pas vouloir la récompense ou le résultat sans avoir passé l'effort et l'examen. Tu ne peux pas vouloir le bac sans passer les épreuves. Sinon je suis un voleur ou un tricheur. Donc du coup, justement, Dieu dit, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a que deux types de personnes. Il y a celles qui veulent uniquement le bas monde, et Dieu nous le dit, et ils l'obtiennent. Et ça nous amène à vraiment réfléchir, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois, ça nous amène vraiment à réfléchir sur ceux qui obtiennent des choses, qui ont un poste, qui dominent. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que parfois on a du mal à les percevoir, mais encore une fois, vous devez considérer, vous devez voir et observer ceux qui gouvernent ce monde, ceux qui dirigent ce monde, ceux qui ont, entre guillemets, la puissance. Bien sûr, hein, c'est Allah Ta'ala toute la toute puissance, mais néanmoins, que vous le voyez ou non, c'est pas vous qui décidez vos impôts, alors que théoriquement ça serait vous, hein, mais etc., etc., on décide à votre place. Ceux qui décident cela, ceux qui décident à votre place, à l'heure actuelle, sont des gens qui veulent dunya, qui veulent le bas monde. Ils ne veulent que ça. Et ils l'ont obtenu. Ils l'obtiennent. Mais Dieu nous dit quoi? Il nous dit, oui, attention vous qui avez cru, attention vous qui avez reconnu la vérité, ne cherchez pas que l'akhira, ça n'a pas de sens. Et ne cherchez pas que le dunya, parce qu'après Dieu dit quoi? Il dit, quant à ceux qui veulent la dunya, qui veulent le bas monde, et à qui nous leur accordons, nous leur donnerons aucune part du reste. T'as voulu les vacances avant les vacances, bah t'auras pas de vacances le moment des vacances. Logique. T'as voulu la couler douce, t'as voulu t'amuser pendant les examens, très bien, donc tu n'auras pas l'après-examen. C'est normal, c'est logique, t'as pas passé l'examen. Tu l'as mal passé. Mais donc effectivement, par contre c'est vrai, et l'état dans lequel nous sommes, et cette doha-là, elle est aussi une information sur notre état de pensée, sur notre manière de voir le monde. Parce que Dieu nous dit quoi? Il nous dit, vous avez, c'était le sens de ce que j'avais expliqué la semaine dernière, vous avez ce que vous voulez. Vous avez ce que vous voulez. Ça paraît dur de dire ça, mais c'est essentiel. On a ce qu'on veut. Et ce qu'on veut vraiment, on l'a. Et ce qu'on veut vraiment, on l'a. Le problème, il est où? C'est que justement, beaucoup de gens, et en particulier les musulmans, se disent, oui, mais moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, et ça n'arrive pas. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous ne sommes pas plus différents que les grands avocats ou les grands traders qui se trouvent à Manhattan, qui sont en train de brasser des millions. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont compris? Il faut travailler pour avoir cet argent. C'est un travail pas très honnête, hein, c'est clair. Mais ils le font quand même. Et ils sont là. Ils sont là de 6h du matin à je sais pas d'heure le soir. Ils sont là. La vraie question, c'est nous, qu'est-ce que nous voulons? Et donc ensuite, qu'est-ce que nous faisons par rapport à ce que nous voulons? En fait, je vais être plus clair, ce que nous faisons, en réalité, dévoile ce que nous voulons. Eh oui, en gros, tu peux pas dire, je veux un travail, pour prendre cet exemple simple, je veux un travail, et tu restes la journée dormir. Ça veut dire que tu ne veux pas un travail. C'est pas que tu ne veux pas assez, ou t'as pas encore assez de courage. Ça veut dire simplement, tu ne veux pas avoir un travail. Donc c'est normal, mais tu veux dormir. Tu veux te reposer. Tu veux t'allonger. Donc du coup, tu n'as que ce que tu veux. Te reposer, tu reposes. Ça t'en aura du repos, pas de souci. Par contre, de l'argent, un poste, un statut, une vie qui change, ça, c'est pas encore d'actualité. Vous voyez? Et pourquoi donc, et encore une fois, triple titre information, cette doha-là, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, ça veut dire que Dieu te dit, eh oui, pour que l'akhira hasana s'arrive, pour que dans l'autre vie, pour l'autre vie, ça se passe bien, que ce soit une bonne vie, alors il faut que ta vie ici-bas soit une bonne vie. Il faut que ça se passe bien ici. Donc pour que ça se passe bien ici, il faut que tu le veuilles, déjà. L'ennui, c'est que les musulmans aujourd'hui, je fais exprès de généraliser comme ça, mais c'est pour qu'on comprenne bien le principe, les musulmans sont dans un état qui parfois peut paraître effrayant. Ils ne veulent ni l'autre, ni la présente, ni rien. Ils ne savent même plus ce qu'ils veulent. Ils sont perdus. Et ça, c'est notre plus grand drame. D'être dans ce sentiment, de ne pas vouloir. On ne fait que vivre et subir, et pas vouloir. Et là encore, alhamdoulilah, nous, entre guillemets, on est en France. Mais dans les pays musulmans, c'est encore pire. Parce que dans les pays musulmans, on leur montre beaucoup de choses. Et là, pour leur montrer, beaucoup de choses sont là, pour leur montrer qu'ils n'ont pas à vouloir, ils n'ont pas à décider. Or, non. Hein. Oh non, ils peuvent décider. Hein. La preuve. Hein. Dans des pays, ils ont décidé, il s'est passé quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est fini, hein. Justement. Parce que si tu le veux, faut que tu veuilles après tout le reste. Mais bref, c'est pour vous dire que cet état d'esprit dans lequel on se trouve à ne pas vouloir, c'est déjà un problème. Et Dieu te dit non. C'est pour ça, et c'est là la leçon magistrale de cette doha, et de toutes les autres doha en réalité, c'est demande, car ce que tu demandes, tu le veux, et ce que tu le veux, tu fais pour ça. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Et c'est ça qui est important, ça veut dire que non seulement tu ne demandes pas d'avoir une vie normale, tu demandes d'avoir la meilleure part dans ce monde. Rabbana atina fid dunya hasana. Et donc, ya Allah, je te demande, wa fil akhirati hasana, et le meilleur dans l'au-delà. Vous imaginez, ça veut dire qu'en fait, je fais une sorte d'équivalence entre le paradis que j'obtiendrai après ma mort et la vie dans ce bas-monde. Et a été très mal compris cette sagesse de dire que le bas-monde est le paradis du négateur, du kafir, et la prison du mu'min. Hein? ça a été très mal compris. À un moment donné, ça a amené les gens à être résignés, à accepter le sort. On est pauvre, c'est normal, c'est une épreuve de la part de Dieu. Non, c'est mal compris ça. Tout est épreuve. Hein. Dieu dit, et nous allons vous éprouver par le bonheur et le malheur. Nous allons vous éprouver par le bonheur, qu'est-ce que tu vas faire de ce bonheur? Nous allons vous éprouver par le malheur, écoutez bien, qu'est-ce que tu vas faire pour sortir de ce malheur? Et oui, un exemple, la maladie. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les kulli da'in dawa. Pour chaque maladie, il y a un remède. Soignez-vous. C'est bizarre. Et Rasulallah, on n'est pas censé patienter. C'est une épreuve de la part de Dieu. On patiente, on attend. C'est Dieu qui l'a fait. Ben non. On se soigne. On se guérit. On sort de cette maladie. Parce que c'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est pas simplement la maladie. L'épreuve, c'est qu'est-ce que tu vas faire quand tu es face à ça. Comme pour la mort. Quand quelqu'un meurt. Oui, c'est très triste. Et Dieu nous montre que c'est même. Dieu nous dit que c'est une épreuve. Il nous montre même les prophètes. Les prophètes eux-mêmes souffrir de ça. C'est une épreuve. Est-ce que ça veut dire oui, résignation, c'est bon, fataliste? Non. Fais quelque chose. Sors de cette épreuve. Une épreuve. Vous savez que l'objectif d'une épreuve, quand vous rentrez dans une salle d'examen, il faut sortir de l'examen. Il faut passer dans la salle d'examen. Vous allez passer sur votre copie. Quand vous avez fini la copie, c'est ça l'examen. Vous remplissez la copie et vous remettez la copie. Si vous ne remettez pas la copie, vous n'avez pas passé l'examen. Si vous restez à pleurer devant la copie, ça ne servait à rien. Les larmes on ne note pas les larmes. Donc, l'épreuve, c'est que lorsque vous vivez quelque chose, vous devez le traverser. Donc, dans notre vie, nous devons faire en sorte d'avoir une vie la meilleure qui soit. Hayatan tayyiba, comme dit Allah dans le Coran, une vie tayyiba, une vie bonne, pure. Sa'ad, le bonheur, dans le sens la joie. C'est ça que nous devons faire. Sauf que Dieu vous dit, c'est pas sur un plateau. Vous devez œuvrer et travailler pour ça. Et ça, l'amal salih. Wa qul a'malu. Et dit, agissez, œuvrez, travaillez. Wa sayyallahu a'malakum. Wa rasul, wa al-mu'min. Et Dieu verra vos actions, vos œuvres. Et oui, Dieu verra vos œuvres. Et donc, ça, c'est la fameuse dua offerte. Ça, c'est Dieu qui vous offre ça. Et il vous offre dans cette dua-là plein d'informations et plein de sagesse. Et il y a la dua spontanée, celle qui vient de vous. La dua qui vient de vous, ça c'est parce qu'en fait, c'est pas simplement, c'est pas un souhait ou un vœu. C'est une volonté. Ya Allah, je veux faire ça. Je veux faire ça, je veux accomplir ça, je veux réaliser ça, je veux empêcher ça, je veux permettre ça, je veux faire quelque chose. Et je suis en train de le faire, je suis même dedans là. Et c'est, vous comprenez, c'est pas, notre dua n'est pas une dua statique. N'est pas une dua d'immobilisme ou de passivité. Notre dua est une dua et l'expression d'une résolution et d'une action qui va s'accomplir. D'un projet qui se réalise. Voilà le sens de la dua. Donc justement, pour aller sur le champ de... C'était un peu en bref ce qu'on avait dit la semaine dernière. Et effectivement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ramadan passe. Et encore une fois, nous ne savons pas ce que nous voulons. Et car nous ne savons même pas ce que nous voulons de Ramadan. En fait, nous sommes devenus, malheureusement, comme des roseaux qui savons que c'est la saison des vents. Et le vent va venir et on va bouger avec le vent. On a l'habitude. Quand je dis on va bouger, ben oui, c'est le vent qui va déterminer notre action. Ramadan vient, va déterminer notre action. C'est Ramadan qui vient nous modeler notre action. Il va nous arrêter de manger, arrêter de boire, pas de relation conjugale, jusqu'à le soir, tarawih éventuellement, qiyam, réflexion, méditation, et ensuite, et ainsi de suite. Chaque jour passe. Ah, c'est bon, on a fait Ramadan. Ben non, vous n'avez pas fait Ramadan. Là, vous avez subi Ramadan. Ça, c'est subir Ramadan. Ça, c'est le roseau qui bouge. Or, la réalité, non. C'est que Dieu vous dit, voilà, je vous donne un outil. Maintenant. Je vais vous donner une arme. Une ressource. Ultra efficace. Très, très efficace. Sachez en faire bon usage. Vous avez un mois pour se faire. Et d'ailleurs, et ça, je tiens beaucoup là-dessus, vous savez, malheureusement, on a assimilé l'idée qu'on ne peut pas savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que Dieu nous laisse dans l'inconnu, dans le flou. Il n'y a pas d'évaluation. On ne peut pas vraiment savoir si ce qu'on va faire est bien ou ce qu'on fait n'est pas bien. Or, non. En vérité, on peut savoir. Car Dieu nous montre à chaque fois, il nous dit, vous avez une action, il y aura des réactions et des conséquences. Et Dieu nous indique qu'il y a des conséquences pour tout ce que nous faisons. Par exemple, lorsque Dieu dit Inna salat tanha 'anil fahsha'i wal munkar, la salat, elle vous prive, elle vous immunise contre al fahsha, la perversion, ce qui est intimement mauvais, c'est ce qu'on fait en intimité de mal, wal munkar, et ce qu'on fait publiquement de mal. Et Dieu vous dit quoi? Il vous dit donc, si ta salat tu la fais bien, si tu la réalises bien, si tu l'accomplis comme il se doit, antam muqimis salat, tu es ceux qui l'accomplissent, qui l'établissent, qui l'édifient, alors tu auras comme conséquence et résultat le fait d'être immunisé contre le fahsha ou le munkar. Et si jamais tu te retrouves à faire du munkar, ou donc munkar, quelque chose de répréhensible à l'échelle sociale, et ou du fahsha, faire quelque chose de pas bien tout seul, si tu te retrouves à faire ça, alors c'est ta salat qui a un problème. Tu n'utilises pas bien cet outil. Donc réutilise cet outil. Et toi, tu as un problème. C'est pas que t'es pas clair. Vous voyez? C'est la même chose pour Ramadan. Dieu te dit, Ramadan, voilà un outil. La'allakum tattaqoun. Pour que vous atteigniez, pour que vous obteniez un objectif précis. C'est quoi cet objectif? C'est taqwa. C'est quoi taqwa? C'est le salut et la préservation. C'est un état de bienfaisance complet. C'est être dans un état de bienfaisance complet. Donc, c'est quoi cet état-là? Dieu te dit, cet état-là, tu l'auras si tu fais bien Ramadan. Comment tu peux le savoir? La fin de Ramadan. Laylatul Qadr. Pendant Laylatul Qadr, tu vas voir se réaliser devant toi, par toi-même, la réalité de ce que tu as préparé pendant Ramadan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, tu seras dans un tel état de réflexion, de méditation, de résolution, de volonté, qu'à un moment, pendant Laylatul Qadr, c'est pour ça que ça s'appelle Laylatul Qadr, tu vas prendre une grave décision. Tu vas prendre une décision très importante, tu vas changer ta vie. Pour meilleur. Laylatul Qadr, khayrun min alf shahr. Et là, elle devient, cette nuit, cette fameuse nuit où tu prendras cette décision-là, cette résolution-là, quand tu auras compris ce que le Coran voulait te dire depuis longtemps, quand tu auras compris ce que Dieu attendait de toi depuis un long moment, eh bien, et que tu vas décider, tu vas accepter de prendre ce défi-là, de relever ce projet, ta vie va changer. Et Dieu dit, khayrun min alf shahr. Et cette nuit-là sera mieux que tout le reste de ta vie. Sera mieux que toute une vie. Parce que c'est cette nuit-là qui compte pour toi, c'est cette nuit-là qui va changer ta vie. Donc ce n'est pas une nuit qu'on attend comme ça, on attend que les étoiles nous tombent dessus, etc. Non. C'est une nuit où en fait on va prendre une décision. Ça n'appartient qu'à nous. C'est pas plus facile. Ce n'est pas du tout plus facile. Et d'ailleurs justement, prendre une décision pourquoi? On va décider quoi? Qu'est-ce qu'on veut, justement? Et qu'est-ce que nous sommes censés vouloir? Il y a Allah Ta'ala qui nous montre dans une de ses sourates les plus importantes, si je puis dire, parce que nous savons que nous devons la réciter régulièrement. C'est la sourate 18, sourate Al-Kahf. Sourate Al-Kahf. Allah Ta'ala nous fait un déroulé, nous montre, c'est une sourate très particulière. Elle est très particulière parce que les histoires qui sont dedans sont particulières. Il y a quatre histoires dans cette sourate. Nous avons quatre histoires. La première histoire, une histoire d'adolescents qui vivent dans une société qui ne reconnaît pas la vérité. Une société du mensonge, du faux, de l'erreur, de l'injustice. Et qui donc, eux par contre, décident de suivre et d'être fidèles à la vérité. Et de n'agir qu'en vertu de celle-ci. Alors qu'ils sont adolescents. Et ils sont donc en situation de faiblesse et de minorité. En plus, ils sont jeunes. Donc, ils vont devoir prendre des mesures en fonction de leur situation et de leur état. On a ensuite une deuxième histoire. C'est une histoire entre deux jeunes hommes, des hommes en général, mais on dirait même des jeunes hommes, qui chacun sont propriétaires de jardins. Et il y en a un qui a un jardin beaucoup plus dense, beaucoup plus fourni que le premier. Et s'ensuit un dialogue entre les deux. Un dialogue qui n'a pas lieu qu'une seule fois, c'est un dialogue très long, en réalité. Et c'est un dialogue qui nous montre que ils sont d'égal à égal, mais il y en a un qui a choisi une voie, celui de ne pas être reconnaissant envers Dieu. Et vous remarquerez, si vous êtes très précis, vous remarquerez que les deux ne sont, celui qui ne reconnaît pas n'est pas un kafir. Il n'est pas négateur dans le sens pur du terme, il n'est pas athée. Il dit, et si je venais à mourir, je sais que je retrouverai auprès de Dieu mieux que ce que j'ai. En fait, c'est un capitaliste pur. C'est quelqu'un qui est un capitaliste dans le sens protestant du terme, à la Weber. C'est-à-dire, c'est celui qui croit que les richesses qu'il a dans ce bas monde ne sont que la confirmation de la gratitude de Dieu. Et que lui, quand il mourra, il aura encore mieux. Mais Dieu considère que lui se perd totalement. Et d'ailleurs, hein, il a un statut très grave dans la sourate. Donc ça, c'est la deuxième histoire. La troisième histoire, une histoire très étrange, c'est l'histoire de Moussa et d'Al-Khidr. C'est une des rares histoires coraniques, même la rare, la seule, où Dieu nous raconte comment un prophète apprend quelque chose d'un autre. Et que Al-Khidr, en plus son histoire, et dites-moi la vérité, vous l'avez tous lu, elle est super étrange. On tue un gamin parce que plus tard il va être méchant. C'est bizarre. Il perce un bateau parce qu'il sait qu'il y a un roi qui va le prendre. Comment il sait ça? Troisièmement, pareil avec la question du mur ou d'une maison où justement ce mur-là appartenait à des orphelins. Il n'en avait aucune idée. Et après on lui dit voilà, prends. Moussa lui dit, mais tu aurais pu demander une récompense, etc. pour ça. Il lui dit, non. Il dit, voilà, ça c'est la fin de notre voyage. Bref, vous la connaissez l'histoire, je vais pas aller dans les détails aujourd'hui, mais je veux juste qu'on voit le cadrage parce que vous allez comprendre pourquoi c'est important. Mais c'est donc l'histoire, en fait, pour résumer l'histoire de Moussa de Khidr, c'est une histoire, en fait, d'un prophète qui va apprendre quelque chose de quelqu'un qui sait mieux que lui. Et qui, en fait, justement, va nous révéler beaucoup de choses sur la question de la connaissance. C'est quoi la connaissance? Ou plutôt, qu'est-ce que ce n'est pas? Aussi. Et la quatrième histoire, Dhulqarnayn. Étrange personnage. Oui, un personnage mystérieux du Coran, dont on ne sait rien à part ce passage dans Sourate Al-Kahf. On sait qu'il parle avec Dieu directement. On sait qu'il a une science qu'il obtient de Dieu directement. On sait qu'il a une puissance extraordinaire. Et on sait qu'il fait appliquer la justice de Dieu là où il se trouve. Il est très puissant. Et ce n'est pas une simple puissance de foi, c'est une puissance technique. Inna makanna lahu fil ard. Nous lui avons donné de grands pouvoirs, de grandes forces. Et lui va parcourir des distances jusqu'à ce qu'à un moment donné, il va rencontrer des personnages aussi mystérieux pour nous, c'est vrai. Yajuj ou Majuj. Hein, dont on en reviendra beaucoup plus tard, et on voit qu'on fait même appel à la force et à la puissance de Dhulqarnayn. Dhulqarnayn a une force, une puissance, à tel point que même Dieu lui donne un choix, il lui dit Ya Dhulqarnayn, imma tu'adhiba, ô Dhulqarnayn, soit tu les châties, soit tu leur fais bonne grâce. C'est-à-dire que Dieu donne l'autorisation à Dhulqarnayn de disposer des gens. C'est étrange comme pouvoir, mais bon, c'est un grand pouvoir. Et bien, vous allez voir que Sourate Al-Kahf dessine en réalité le parcours humain général et le parcours des croyants en particulier et la question des projets, justement, de à chaque étape, qu'est-ce que tu veux. En fait, je vais être plus clair. Cette sourate-là a une capacité extraordinaire, comme toutes les sourates du Coran, mais pour ce cas précis, de générer en fait une sorte de résumé des différentes situations humaines possibles. Ce qu'on appelle halat al-istidraf, la situation d'affaiblissement, où tu n'as pas beaucoup de moyens. Les jeunes, adolescents, du début de l'histoire, et c'est pour ça que ça commence par ça. Ensuite, la situation d'égal à égal, c'est-à-dire que en fait, tu n'es ni puissant ni faible, tu es d'égal à égal avec tes prochains. Ta société, ta communauté, ton environnement, ton pays, tes pays, les pays qui sont autour de toi, d'égal à égal. Parce que vous allez voir qu'il y a une symbolique à chaque fois. Il y a des centaines de leçons dans chacune des histoires. Et elles se recoupent toutes, elles se rejoignent toutes. Ensuite, la troisième histoire, qui est une sorte d'histoire qui fait une parenthèse, qui fait une césure, dans ce qu'on appelle le cheminement. Cette histoire-là, l'histoire de Moussa et d'Al-Khidr, est une histoire sur le savoir et l'enseignement. Sur le fait que Dieu dit, quand tu arrives à un certain état, le deuxième état, vous avez vu, l'état de égal à égal, attention, tu dois jamais mettre de côté la question du savoir, la science. Tu dois apprendre et savoir. C'est pour ça que même Moussa, alayhissalam, qui est prophète, Dieu va l'éprouver par le savoir. Il va dire, tu vas voir que finalement, tu n'es pas celui qui sait le plus de choses. Et en plus, et regardez bien, c'est pour ça que l'histoire est particulière avec Al-Khidr. L'histoire, elle est, je le dis, j'insiste, elle est étrange. Pourquoi ? Parce que justement, elle est étrange pour Moussa comme elle est étrange pour nous tous. Entre guillemets. C'est-à-dire que même un prophète comme Moussa n'arrive pas à comprendre le fin mot de l'histoire. Et Dieu veut nous montrer quoi par là ? Il veut nous dire que oui, il y a des savoirs qui sont très complexes. Et il y a des choses, vous ne croyez pas que vous avez tout compris, que vous avez tout percé. Et en fait, pour un même problème, regardez bien, pour un même problème, il y a plusieurs points de vue. Et plusieurs manières d'apprendre des problèmes. C'est-à-dire que même si vous, aujourd'hui, vous avez pensé régler le problème, en gros, Moussa aurait réglé le problème autrement que pour l'enfant là qui allait peut-être devenir mauvais. Enfin, qui allait devenir mauvais. Il aurait réglé autrement, peut-être. Et bien, Dieu nous a montré avec Al-Khidr, non, tu peux le régler aussi d'une autre manière. Mais cette manière-là, il fallait de bonnes raisons pour le faire. Vous voyez ou pas ? En gros, elle est très intéressante, cette histoire de Moussa Al-Khidr, parce qu'elle nous montre la question des problèmes et des solutions. Il n'y a pas qu'une seule manière de voir les problèmes. Et donc, il n'y a pas qu'une seule solution à un problème. Ça, c'est la parenthèse. Ensuite, on revient avec un récit de l'évolution. Donc, vous prenez la parenthèse Moussa Al-Khidr d'un côté et vous reprenez les trois autres récits. Donc, les jeunes adolescents d'El-Kahf qui sont affaiblis dans une société qui est hostile contre eux, car que se dit le Coran, si jamais vous restez parmi la société, ils vont vous chasser, ils vont vous torturer, ils vont vous mettre la pression, ils vont, l'expression c'est yarjumukum, lapider, mais lapider ne veut pas, yarjumukum ne veut pas dire forcément lapider. Lapider en langue arabe, ça veut dire aussi rejeter. Hein, d'accord ? Vous savez, c'est quand on dit shaitan rajim. Shaitan rajim, ça veut pas dire lapider. Hein. C'est pas ça. Hein. Il est pas tout le temps lapidé. D'accord ? Et s'il était lapidé par Dieu, il disparaîtrait. Il faut qu'on comprenne. Rajim, dans le sens arabe, ça veut dire rejeter. Ça veut dire tu es banni. Tu es exclu. Et en fait, rajm dans ce sens-là est ce qu'on appelle le pendant de l'ana, de la malédiction, c'est-à-dire tard min ar-rahma, le fait d'être expulsé de la miséricorde de Dieu. Et qu'en fait, justement, Iblis, il est rejeté rajm parce qu'il est détestable. Parce que l'expression d'ailleurs, quand on dit lapider quelqu'un, pourquoi on le lapide ? Parce qu'on le rejette. C'est pas bien ce que tu as fait. C'est pas bien, c'est un geste de inkar, de désaveu total. Donc lorsque Dieu dit shaitan ar-rajm, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire en fait que ce qu'il a fait est détestable. Et c'est lui qui a fait ça tout seul. Et c'est lui qui s'est mis dans cet état-là. Et c'est lui qui est sorti de la miséricorde de Dieu. Et oui. Fakhruj minha, fa innaka rajim. Sors d'ici, tu es vraiment maudit. Tu es vraiment détestable. Donc, ces jeunes-là sont dans une situation tendue, difficile, délicate, en minorité, sensible. Ils sont fragilisés. Ils regardent tout autour d'eux. Personne ne veut les suivre. Personne ne suit ce qu'ils font. Personne ne reconnaît ce qu'ils disent. C'est dangereux. C'est compliqué. Ils sont acculés, comme on dit. Et là, on passe d'un coup à une situation où, d'égal à égal, les jardins, les propriétaires de jardins, ils sont sereins. L'un est serein, l'autre est serein. Sauf que l'un reconnaît la vérité de Dieu, l'autre non. Mais ils sont d'égal à égal. C'est pour ça qu'il y a jardin. Ils sont d'égal à égal parce que ça veut dire qu'il y a égalité, il y a paix. Ils ne sont pas en train de se battre. Et comme ils ne se battent pas, eh bien, il peut faire des jardins. Il y a une image là-dedans. Et troisième situation, la situation de At-Tamkin. La situation où, là, ce sont les fidèles de Dieu qui dirigent. C'est eux qui appliquent les règles, qui font appliquer les règles. C'est eux qui décident. C'est eux qui sont puissants. Eh bien, vous voyez, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Eh bien, le projet de je demande à Dieu d'avoir la bonne vie ici-bas, ce projet-là se réalise selon ce schéma-là. Le schéma de soit tu es dans une situation de faiblesse, donc tu vas demander à Dieu et tu vas faire en sorte de sortir de cet état de faiblesse. Fa'u ila al-kahf, yanshur lakum rabbukum min rahmati. Allez donc vous réfugier dans ce lieu-là qu'on appelle le kahf, afin que Dieu vous dispense de sa miséricorde. Vous voyez ou pas ? C'est pas passif, hein. C'est pas passif. Beaucoup de gens vont penser ça comme étant comme un monastère. Ils sont réfugiés. Ils sont cachés. Non. C'est aller donc dans cette cave. pour que Dieu vous donne sa miséricorde et vous donne de sa grâce. Et ils sont tellement dans une optique d'action, l'Ashab al-Kahf, que, en fait, lorsqu'ils vont se retrouver, lorsqu'ils vont sortir de cette Kahf, ils vont être dans une logique de. Ils vont prendre un peu d'argent. Ça aussi, c'est intéressant, hein, vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire que lorsqu'ils sont partis dans le Kahf, ils ont ramassé de l'argent avec eux. Vous voyez ou pas? Regardez bien. Dans ce hôtel Kahf, Dieu m'a dit. Enfin, donc il les cite, et prends donc, et en plus c'est un peu bizarre parce qu'il dit, prends donc quelques billets. Prends donc ces quelques billets, c'est de la monnaie, hein, c'est de l'argent. Prends donc ces quelques billets, et va nous chercher Azkataramel, ce qu'il y a de plus pur. Il y a quelque chose à dire sur Azkataramel en fait, c'est trop précis. Donc, pour chercher à manger en fait. Mais c'est particulier parce que, donc encore une fois, vous voyez bien, là ce ne sont pas des fuyards, ce ne sont pas des moines. Ce sont des gens qui ont cherché une alternative. Vous voyez ? Ces jeunes ont vu une société comme ça, ils ont cherché une alternative à cette société. Dieu leur a donné cette alternative pour ensuite arriver à une autre société. Donc pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, voilà, prends cet argent, l'un de ceux qui est dans le caf, en sortant, leur dit, voilà, prends cet argent, va aller acheter à manger, va nous chercher à manger, et prends-nous ce qu'il y a de meilleur, azka, waliyatalattaf, et doucement. Attention, ne te fais pas griller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justement, sois discret. Vous avez ce qu'on appelle le mode d'action de ceux et de celles et ceux qui se trouvent dans une situation de faiblesse par rapport à leur foi. Comment on fait? Être prévoyant. Ils ont ramassé de l'argent, ils l'ont mis de côté, ils ont gardé ça avec eux. Ils ne savaient même pas où ils allaient, ils ne savaient même pas combien de temps ça allait prendre. Et ensuite, ils vont chercher à manger, mais ils vont aller doucement. Fais attention, ils en envoient un seul, pas tous. Et oui, pourquoi ils en envoient un? Pour que justement, ils ne se fassent pas griller. Un, et si un se fait attraper, ils sauront et ils pourront voir ce qu'ils peuvent faire. Oui, prévoyant, très intelligent. Dieu nous montre à quel point ces jeunes sont intelligents. Et à quel point justement, ils sont fidèles au commandement de Dieu. On fait les choses carrées, on fait les choses sérieusement. Et donc, ça, le Rabbana Atina fi Dunya Hasana, c'est par exemple justement dans le cas, si, et ça parle à tous ceux qui sont immigrés, ceux qui sont jeunes, et immigrés, c'est quand tu es dans une société qui n'est pas comme la tienne, qui n'est pas comme toi, pardon, une société qui n'est pas comme toi et ta pensée. Et quelque part, tout immigré, quelle que soit son immigration, est confronté à ça. Sauf s'il émigre dans une société qui pense comme lui. Eh oui, c'est sûr. Hein? Mais donc justement, on est bien dans ce cas-là où en fait, ce passage de cette sourate nous parle de ceux qui sont en situation de faiblesse, donc ceux qui sont en situation de faiblesse économique, ils n'ont pas trop d'argent, ceux qui sont en situation de faiblesse sociale, ils n'ont pas de statut, ceux qui sont en situation de faiblesse d'âge, ils sont trop jeunes, ceux qui sont en situation de faiblesse de foi, ils croient en quelque chose auquel personne ne croit. Cette sourate-là nous parle à nous. Les fameuses minorités musulmanes. Hein? Et justement, qu'est-ce qu'on en raconte? On en raconte que c'est une société injuste, une société qui ne respecte pas la vérité, qui n'obéit pas à la vérité, et qui ne respecte pas la justice. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que, en fait, Dieu ne leur dit pas, vous devez combattre cette société, vous devez faire la guerre, etc. Non. Dieu leur dit, justement, vous devez chercher la miséricorde de votre Dieu, mais, par contre, vous êtes en situation de faiblesse d'un point de vue objectif, mais, comme le dit Allah, ils se sont levés, ils ont agi et ils ont dit, ils ont déclaré, ils n'ont pas eu honte. Faiblesse, situation de distidraf, ne veut pas dire honte, ne veut pas dire humiliation, ne veut pas dire justification. Non, tu es clair dans tes positions, mais tu es intelligent et lucide. C'est ce que nous montre cette histoire. Après, Dieu nous dit, si tu fais bien ton travail, si tu agis comme il faut, et regardez, subhanallah, l'histoire nous montre aujourd'hui, nos parents et leurs parents, en fonction des générations, vous savez, hein, que ce soit même ici en France, mais même à l'étranger, même dans les pays d'origine, ils étaient dans la situation d'istidraf, de faiblesse. La colonisation, entre autres, en est une cause. Dieu nous montre quoi ? Il nous montre que si on travaille et on œuvre, alors on passera de la situation de faiblesse à une situation d'égalité. Bon, pour les pays arabes, c'est pas encore ça. Les pays arabes ne sont pas encore arrivés à l'égalité des colonisateurs. C'est pour ça que Dieu nous montre que voilà l'évaluation. Évaluation. Oui, quand je parlais d'évaluation, Dieu vous dit voilà l'évaluation. Vous pouvez pas rester dans une situation d'adolescent. Vous pouvez pas rester dans une situation de faiblesse et de minorité. Vous devez agir pour arriver à une situation d'égalité, au moins d'égalité. Oui. Parce que d'ailleurs, qu'est-ce que Dieu nous montre ? Il nous montre que tu ne peux pas dialoguer si tu n'es pas à égalité. Quand vous regardez sur le Kahf, vous remarquez que ces jeunes-là ne discutent pas avec leur peuple. Et s'ils ne peuvent pas. Vous voulez quoi ? Des gamins qui sont 5, 6, 7, 8, on ne sait pas, dans une cité de je ne sais pas combien de centaines de personnes, ils vont faire la leçon à tout le monde ? Ça n'existe pas, ça. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu, à chaque fois, quand il envoie des prophètes, c'est la différence des prophètes, les prophètes sont toujours des gens de la haute classe. Les prophètes font partie des nobles, même s'ils ne sont pas forcément riches. Moussa, par exemple, n'est pas riche lui-même, mais il a grandi chez Pharaon. Donc il fait partie des nobles. Et en plus, il fait partie des grandes familles de Ben Israël. Donc il fait partie des nobles. Oui. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, fait partie des Ben Hashim et des Ben Abdel Muttalib. Donc les Ben Hashim, c'est une grande tribu et famille noble de la Mecque. C'est pour ça que Abu Talib pouvait le protéger. Sinon, rien du tout. Hein. Si t'es de la même famille que Abdullah ibn Mas'ud ou Amr ibn Yasir, il serait mort. Hein. Non, il fait partie des familles nobles. Isa alayhi salam fait partie des Ali Imran. Et les Ali Imran, c'est une famille très noble des Banu Israël. Vous voyez, toujours des nobles. D'ailleurs, et vous le verrez même dans le Coran, même les gens disent, par exemple, même par rapport à l'autre ou à Salah, si tu ne faisais pas partie des nobles parmi nous, on t'aurait déjà exécuté. Voilà ce qu'en plus, Dieu nous dit, si tu ne faisais pas partie des nobles, on t'aurait déjà dégagé. Mais malgré tout, quand il y a eu tellement la pression, ils ont fait, tu vas sortir, je te jure, tu vas sortir. Vous voyez ? Donc Dieu nous dit quoi ? Il nous dit, vous ne pouvez pas parler, dialoguer si vous n'êtes pas à égalité. Et vous ne pouvez pas rester éternellement dans une situation de subordination, dans une situation de faiblesse, dans une situation de minorité. Vous devez bouger, trouver une solution, agissez, demandez à Dieu qu'il vous accorde ses faveurs. Comme on a dit, demandez, mais demandez pour faire. Et donc regardez, vous voyez bien, c'est au moment où on est à égalité. Alors, une égalité relative, attention, on est d'accord. Hein. Parce que, d'ailleurs, Dieu nous le dit. Il nous montre qu'ils sont à égalité dans le sens qualitatif du terme, pas dans le sens quantitatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les deux sont propriétaires de jardin. Les deux sont proprios, mais ils ne sont pas proprios de la même quantité. En l'occurrence, celui qui n'est pas bien guidé est plus riche en termes de propriété que le premier. Mais néanmoins, ils sont à égalité parce que les deux sont proprios. D'ailleurs, j'ai dit proprios, vous savez. Eh oui, parce que la question de l'égalité, elle va aussi se jouer là-dessus. Eh oui, vous voulez faire des leçons à votre propriétaire alors que vous êtes locataire ? C'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est la même chose par rapport à beaucoup de données, même au niveau économique. Surtout au niveau économique, au niveau du travail. Vous pensez vraiment faire des leçons à vos PDG, à vos DG, etc. Non. Par contre, si vous êtes libéral, si vous êtes indépendant, si vous êtes autonome, même si vous gagnez moins, vous êtes libéral et vous touchez votre argent et vous êtes libre de votre temps et de votre argent et de votre travail. Vous pouvez parler d'égal à égal si vous êtes cultivé, si vous avez les moyens pour parler. C'est ce qui se passe dans cette histoire-là. Les deux sont d'égal à égal parce qu'ils sont d'égal à égal culturellement et ils sont d'égal à égal en termes de propriété. Maintenant, c'est la quantité. Et justement, l'un dit à l'autre, ne te laisse pas abuser, ne te fais pas avoir. C'est pas parce que tu as plus, c'est pas parce que tu es plus riche que moi, que tu es plus béni, que tu es plus sur la voie. En gros, que ce que fait cet égal à son égal, il lui rappelle le sens, il lui rappelle la réalité de l'existence. Il lui dit, tout ça, ça a un sens. Et j'oserais même dire, cette histoire-là, elle a même un double aspect, un aspect encore plus profond. Je vais vous dire une chose, et là c'est surtout sur le côté sociologique. C'est que en fait, parce qu'on remarque cette évolution sociale dans la sourate Shu'ara, si je ne me trompe pas, et sourate Al-Anbiya, c'est que vous savez, le peuple d'Israël, Banu Israël sont des immigrés, travailleurs ouvriers. Banu Israël sont des immigrés, travailleurs ouvriers. qu'on appelle esclave. Mais en réalité, en arabe, istirbad, ça veut dire employé. Et ne vous laissez pas avoir par la connotation de l'esclavage moderne. Mais en réalité, dès qu'on travaille pour quelqu'un, en langue arabe, en fait, alors il y a istirbad d'abord, c'est vrai, c'est ça d'être employé. Mais istirbad, c'est vrai, c'est lorsque c'est vraiment unilatéral. Istirdam, le fait d'être dans une question de travail, de l'employabilité pure, c'est lorsqu'il y a eu un choix. Alors que l'istirbad, c'est vraiment, c'est au-dessus, ça se décide vraiment au-dessus de vous. C'est le patron qui décide. Et j'insiste sur une chose, parce que parfois on a du mal. Les esclaves à l'époque antique vivaient parfois mieux que des salariés aujourd'hui. Et la différence, vous allez me dire, la différence c'est la liberté. Non, c'est faux. C'est pareil en fait. Croyez bien, surtout à l'époque antique, croyez bien qu'un esclave, bah vas-y, enfuis-toi, va. Vas-y, on va voir. Va t'enfuir. On va voir si tu peux le faire. On va voir. Aujourd'hui, va quitter ton boulot. Et refuse de payer ton loyer. Tu vas être libre, je suis libre. C'est ma terre. Ouais, vas-y. Paye pas ton loyer. Tiens, paye pas tes charges. Et arrête de travailler pour voir. Prends le contrat et fais comme ça. C'est ton CDI durement. C'est bon, j'ai plus rien à faire. Ah, tu peux pas. Hein. Parce que ça s'impose à toi. Et justement, donc, j'insiste vraiment là-dessus, lorsque des populations immigrées de la terre de Palestine, en tout cas pas loin, arrivent en Égypte, ils sont avalés par le système égyptien, pharaonique, ils deviennent des ouvriers, des travailleurs, sous la coupe de la population nationale égyptienne, hein, qui les font travailler dans les usines égyptiennes, et oui, qui leur font faire les routes, qui leur font faire leurs moyens de transport, qui leur font tenir leur commerce, leurs bâtiments, leur maçonnerie, c'est ça, hein, leur tour. Et oui, c'est pas ce qui s'est passé dans les années 60, 70 dans ce pays. On a amené des populations, d'ailleurs des populations qu'on a conquises, hein. Ça aussi, il faut commencer à le comprendre quand même, hein. C'est des populations conquises. C'était ça des esclaves avant, hein. Les esclaves, on les avait des guerres. On faisait la guerre. Dès qu'on avait gagné contre un peuple, on fait OK, on attrape vos hommes, vos femmes et vos enfants, et on en fait ce qu'on veut. Les hommes, on les fait travailler. Les femmes, soit on les garde pour nous, soit on vous les laisse pour que vous ayez des enfants, pour qu'après vous puissiez avoir des esclaves, etc. C'était ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a cette population immigrée qui arrive au pays et qui est exploité, voilà, qui est exploité. C'est Abadtoum, Banu Israël. Vous avez exploité le peuple d'Israël. Sauf que, lorsque Moussa alayhi salam arrive, il libère son peuple, et il est venu pour les libérer. Il libère son peuple, dès qu'il les a libérés, à un moment donné, ils vont arriver vers, justement, dans Ard Kanaan, les terres de Canaan. Donc on est entre le Sinaï et la Palestine. Hein. Ils commencent à se poser. Ils s'installent. Comme ils s'installent et que la terre est bonne et fertile, ils commencent à se développer, des royaumes sont mis en place. Et là, c'est très intéressant parce que Dieu nous montre que au sein même de la population d'Israël, dans les Banu Israël, les deuxième et troisième G. Et oui, parce que la première génération, c'est les parents de Moussa. La deuxième génération, c'est Moussa. Et la troisième génération, c'est les petits qui viennent après Moussa. Et oui. Eh bien, Dieu nous raconte qu'il y a quelqu'un de la deuxième génération qui a réussi à devenir très riche. Il est devenu très très riche. Ça veut dire quoi ça? Eh ben, on le voit aujourd'hui maintenant. Il y a bien des Maghrébins et des Africains d'origine, hein, bien sûr, qui maintenant sont en France, sont français, ils sont nés en France. Je sais pas, puis ils commencent à avoir des bons postes. Ils commencent à travailler, ils ont des diplômes. Ils ont même de très très bons postes, des très bons salaires. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont atteints par un syndrome, une maladie, un virus très, très, très, très, très, très, très vigoureux, très, très, très violent. C'est le syndrome Qaroun, le virus de Qaroun. Qaroun, c'était quelqu'un de la deuxième génération, un proche de Moussa, qui est devenu très riche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à... Pourquoi je vous dis, en gros, il était musulman. Qaroun était musulman. Parce qu'il était Benbanu Israël avec Moussa. Et Moussa, son peuple était musulman. Comme nous, nos immigrés sont des musulmans. Quoi qu'ils fassent, hein, ils sont musulmans. Mais il y a musulmans et musulmans. Qaroun va être un musulman très riche. Et malheureusement, sa richesse va lui faire complètement tourner la tête. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il va arriver à cette croyance folle, cette maladie mortelle. Il va croire, j'ai fait ça parce que... Oui, pourquoi il a dit, quand on lui a posé la question, comment tu as fait pour être aussi riche? Il a dit, je suis devenu riche grâce à une science qui vient de moi. Vous savez pourquoi il a dit ça? Justement par rapport à ses parents. Ses parents n'étaient pas diplômés. Ses parents n'étaient pas des hauts fonctionnaires. Ses parents n'étaient pas des cadres. Ses parents n'étaient pas des riches bourgeois. Eh oui, ses parents étaient des ouvriers, des esclaves. Des khaddamis, hein, des employés. Et ils n'avaient pas de grand diplôme. Ils n'étaient peut-être même pas lettrés parce qu'ils n'avaient pas le droit d'apprendre à lire et écrire. Et donc du coup, lui a réussi à lire, à écrire, à gagner de l'argent, à être très riche et avoir un palais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a craché sur tout ça. Et Dieu nous dit quoi? Il nous dit que c'est un homme de l'enfer. Et on a même des hadiths qui nous disent qu'il y a un enfer qui portera son nom. Et une porte qui porte son nom. Pourquoi? Parce que justement, alors c'était un musulman. Mais juste sa situation d'évolution a fait qu'il est arrivé à un état où il a cru que tout ça, ça venait que de lui. Il n'a pas considéré le sacrifice de ses parents. La galère de ses parents. Et pas que ses parents, de ce qu'on appelle les anciens, ceux qui l'ont précédé. Et qu'en fait, même s'ils n'ont pas donné les techniques commerciales qu'il a pu acquérir pour avoir son business, c'est eux qui l'ont appris la persévérance, l'endurance, le travail, la rigueur. Sauf qu'il a nié tout ça. Il a rejeté tout ça. Vous avez vu l'image qui n'est pas qu'une image aujourd'hui. On les voit les jeunes, hein. Si je vous dis ça, c'est parce que je les vois passer devant moi à la fac. Des jeunes qui commencent à croire qu'ils ont tout inventé. Je parle des jeunes musulmans. Des jeunes musulmans qui pensent qu'ils ont tout inventé, qu'ils ont tout compris, qu'ils ont tout découvert, et qu'ils ont tout réussi, ils pensent même qu'ils se sont fait eux-mêmes. Sahabi, tu crois quoi? Et je reviens sur l'histoire de Kaf, justement. Le égal à égal. C'est quoi le égal à égal? C'est le musulman à l'autre musulman. Le musulman riche face au musulman pauvre. Mais sauf qu'entre les deux, il y a le musulman qui reconnaît la vérité. Et le musulman qui s'est enfourvoyé dans ses richesses. Et qui lui dit, Ya sahib, oh mon ami, tu es en train de t'égarer, tu es en train de te tromper. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Dieu nous dit? Par sa miséricorde, Dieu va lui faire perdre ses richesses. Ça, c'est un bienfait pour lui. Oui. Ça devient pour lui un bienfait. Donc justement, c'est très important, vous voyez comment cette sourate-là, rien que sur cet aspect-là, comment il y a plusieurs couches d'histoire et plusieurs couches de leçons. Et qu'en fait, ça parle de notre société à l'heure actuelle. Et Dieu nous dit, oui, si vous travaillez, si vous allez à l'école, si vous obtenez des diplômes, vous allez passer de la situation d'estidraf, de faiblesse, d'ouvrier, d'employé, hein, ce qu'on appelle la situation sociale, ce qu'on appelle non qualifié, etc., hein, la situation populaire, vous allez quitter la classe populaire pour arriver à la classe moyenne. Vous voyez ? La classe moyenne, c'est ça. Et vous ne resterez pas longtemps dans la classe moyenne sans que, à un moment donné, vous arriverez à la classe au-dessus. Par contre, non. Par contre, il y a une chose. On ne peut jamais aller dans la classe au-dessus. Enfin, ou plutôt, on ne peut aller dans la classe au-dessus que de deux manières. Il n'y a que deux manières pour être dans la classe au-dessus. C'est pas naturel, c'est pas spontanément. C'est pour ça qu'ils ne sont pas nombreux. On va dans la classe au-dessus, soit par perversion, c'est-à-dire tu es capable de tout pour y arriver. La fin justifie les moyens, tu fonces. On dit tu fermes les yeux et t'y vas. Tu fermes les yeux, mais tout, hein, le cœur, tout, tu fermes tout et t'y vas. Ou tu t'armes de vertu et de science et de savoir. Et là, tu arrives à dominer. Tu arrives à la situation de Dokone. Regardez bien, c'est pour ça que Dieu fait la parenthèse de Khidr. La fameuse parenthèse, c'est pas une parenthèse comme ça. La parenthèse de Moussa et de Khidr, c'est pour nous dire que quand vous allez arriver d'égal à égal, quand vous allez être dans une situation tranquille, c'est pour ça qu'on arrive à l'histoire de Moussa. Eh bien, attention, restez sur vos gardes, vous ne savez pas tout. Et vous devez toujours apprendre à savoir davantage. Et vous devez toujours mettre à jour votre savoir. C'est comme ça que vous arrivez à avoir le dessus. Je sais ce qu'on arrive à l'état de, à l'étape d'Olkonain. D'Olkonain domine. D'Olkonain dirige. D'Olkonain est puissant. Mais lui, il est puissant. Et regardez bien l'histoire. Il est puissant, fidèle à Dieu, fidèle à la justice. Mais qu'est-ce que Dieu nous montre? Il ne nous montre pas que c'est la fête, c'est la paix, c'est génial. Non, il nous dit que Dolkonain va parcourir les mondes et qu'à un moment donné, il va même arriver à ce qu'il sera confronté à une population dangereuse. Il y a Jojo Majouj. Et que qu'est-ce que Dieu nous montre? Il ne nous montre pas que... Il va, regardez, dans l'histoire, quand vous avez l'histoire, il rencontre trois peuples. Il rencontre un premier peuple, c'est ce fameux premier peuple où Dieu lui dit, soit tu les châties, en gros, on voit bien que Dolkonain a le dessus, hein, sur ce peuple-là. Ensuite, il rencontre un deuxième peuple, on sait absolument rien de ce peuple-là, mystère complet, enfin, presque complet. Et troisième peuple, c'est un peuple qui, justement, regardez, c'est intéressant, c'est un peuple qui a de l'argent, qui a des ressources, qui a des moyens, mais qui dit, Ya Dolkonain, inna Yajuj wa Majuj mufsiduna fil ard. Yajuj wa Majuj sont en train de tout détruire. En gros, ils sont en panique, ils n'arrivent pas à gérer. Ils sont encore vivants, donc ça va, mais c'est très difficile. C'est un ennemi dur qui cause beaucoup de dégâts. Donc ils disent à Dolkonain, viens trouver une solution. Permets-nous un moyen pour qu'on ait plus à les affronter. Qu'est-ce que fait Dolkonain? Dolkonain, on voit bien qu'il ne va pas se dire, ok, c'est bon, regardez bien. Il ne va pas faire comme pour le premier peuple de l'histoire. Je vais aller les voir, je vais les éclater. Il pourrait faire ça s'il est puissant. Mais en fait, il est puissant. Le problème, c'est que les Majouj ne sont pas faibles. Les Majouj, ce n'est pas un peuple faible. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, oui, Dieu vous dit, attention, dans chaque étape de votre vie, il y a toujours des ennemis. Et attention, ne vous laissez pas avoir par les faux ennemis. Et ne faites jamais cette erreur de choisir les faibles parmi vos ennemis. Vous comprenez? Il y a cette erreur de dire, il me faut un ennemi, donc je vais chercher un ennemi faible. Je prends un exemple, allez au hasard, les musulmans entre eux. Oui, c'était très facile. On a plein d'ennemis, donc à un moment donné, il faut choisir lequel. Ah, je vais choisir le plus faible, le musulman. Celui qui est comme moi, qui est dans la même galère que moi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les musulmans entre eux. Ils s'entretuent pour des bêtises. Voilà. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable d'attaquer les vrais ennemis. Tout simplement. C'est connu, je crois qu'il y a même une expression sur les chiens là-dessus. Ouais. Il faut qu'elle me revienne. Oui, normalement les chiens ne s'attaquent pas plus fort qu'eux, généralement. Et nous, on n'est pas des chiens, non. Donc justement, Dieu nous montre quoi? Attention, ne vous trompez pas d'ennemis. Et de deux, les vrais ennemis sont aussi puissants que vous. Parce que croyez bien que si vous avez avancé, ils ont avancé aussi. Quand vous avez mis votre pion, ils ont mis leur pion. Et qu'est-ce que Dieu nous montre? Oui, Dolkonain, parce qu'il est un héritier de la leçon de Moussa et d'Al-Khidr, renouvellement des sciences, il a, grâce à une technologie particulière, réussi à lutter contre Yajuj ou Majuj, en les empêchant d'agir, par la fameuse barrière, la mystérieuse barrière. Vous voyez? Vous comprenez ce principe? C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez agir, vous allez forcément avancer. C'est ça que Dieu vous dit. Si vous agissez, vous allez avancer. Si vous avancez, vous allez évoluer. Si vous évoluez, vous allez passer étape après étape. Jusqu'à ce que vous arrivez à un certain niveau. Tamkin. Et lorsque vous arriverez à ce niveau-là, vous aurez des responsabilités et une vigilance à avoir. Et franchement, mais c'est exactement ce qui nous est arrivé dans notre histoire. L'islam a commencé d'arif. Un quarantenaire, sallallahu alayhi wa sallam, son épouse, un enfant de 10 ans, son fidèle ami de même âge, 40 ans, hein, et un esclave, Zaïd. 5 personnes. Ça a commencé avec 5 personnes. C'est une famille. Juste une famille. Nous, on a l'impression que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Vous comprenez? Vous imaginez que 5 personnes, une famille, alors en réalité c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais à partir de 5 personnes, ça fait 1 milliard et 8 à 9 centaines de millions de fidèles musulmans. Et ça a remué la planète. Ça a changé les cartes. Et ça les change encore aujourd'hui, vous le savez bien. Tout le bruit qu'on entend, c'est encore le résultat de tout ça. C'est le petit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis le doigt sur l'eau, ça fait une vague qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête plus. Maintenant, est-ce qu'on va être noyé par la vague ou est-ce qu'on va être au-dessus et on va utiliser la vague pour avancer et attaquer? Parce qu'en fin de compte, c'est ça. C'est que justement, on a commencé d'arif et on est arrivé à égal à égal. Hey, mais c'était quoi égal à égal? Déjà, on a fait égal à égal avec les empires. C'est empire byzantin, ouais, ça va. Ouais, nous aussi, on a un empire. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, vous allez bientôt vaciller, même disparaître. Les Perses, nous, on ne discute pas avec vous. On les a éclatés. On n'a pas pris des gants avec eux. C'est les Byzantins qui nous ont pris plus de temps, plusieurs siècles. Mais on était d'égal à égal. Et une fois qu'on a éclaté l'empire byzantin et l'empire perse, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est devenu l'empire des empires. On est devenu le Qurnayn. Mais justement, Dieu nous a dit quoi? On était suspendu à sa parole. Soit on applique les principes de Dieu, à tel point, comme le disaient les historiens, les souverains des mondes non musulmans avaient tellement peur d'être injustes envers leur peuple, car leur peuple se mettrait à appeler les musulmans à la rescousse, que les souverains se mettaient à être justes pour prendre soin de leur peuple et qu'ils ne se mettent pas à appeler les étrangers. Parce que c'est le cas, c'est comme ça qu'on a envahi l'Espagne. On a pris l'Andalousie, donc toute la péninsule ibérique, parce que des peuples, plus ou moins, c'est pas tellement des peuples, c'était plutôt des nobles, mais pour, on va dire de manière générale, le peuple, par rapport à ceux qui étaient persécutés, en l'occurrence même les Visigoths, étaient tellement persécutés qu'ils ont appelé les musulmans. Et surtout les juifs aussi. À ce moment-là, il y avait beaucoup de juifs là-bas. Et on a appelé les musulmans à la rescousse. Et on est venus. Et on les a sauvés. Et ils ont vraiment apprécié. Puis ils ont carrément apprécié pendant 7 siècles, en fait. Ils ont juste apprécié pendant 7 siècles. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsque nous avons oublié la leçon de Moussa d'Al-Khidr, à savoir, vous devez toujours être vigilant. Au fond, quand on dit l'idée alim in alim, il y a toujours au-dessus d'un savant plus savant que lui. Et que toujours on doit rester fidèle à la justice. Inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Vous devez toujours être fidèle à la justice, à l'ihsan, la bienfaisance envers les gens, et ita'i dhil qurba, être bienveillant envers vos proches. Dès qu'on a trahi ça, comment on a trahi ça? Et parce que je viens de vous dire par rapport aux ennemis, on a commencé à se battre entre nous. À tel point qu'il y a une phase de l'histoire ignoble en Andalousie, la phase des Taïfas, il y avait quasiment autant de royaumes qu'il y avait de villes. Il y avait autant de royaumes qu'il y avait de villes en Andalousie. Et après, on est surpris que les catholiques aient écrasé, en fait. Ils ont mis du temps, hein. En plus, ils ont mis beaucoup de temps. Parce que oui, Dieu nous dit que ce qu'on plante par la foi, c'est dur à déraciner. Mais en réalité, c'est dur à déraciner, oui, mais il n'y a qu'un seul qui peut le déraciner. Vous savez, c'est qui? C'est vous-même. C'est vous-même. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On arrivait donc à Temkin. Mais Dieu nous a bien montré, donc à la phase de puissance, comme dans le Qur'an, mais Dieu nous a bien montré dans le Sourate Al-Kahf, attention, il y a l'ennemi qui est toujours là. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'agissez pas, si vous ne vous préparez pas, si vous n'êtes pas intelligent, vous allez vous faire avoir. Et bien c'est bien ce qui s'est passé. Et on a commencé à tout perdre. 14e siècle, 15e siècle. Alors 14e siècle, on a perdu l'Amérique. Parce qu'on avait l'Amérique, en tout cas l'Amérique centrale, les Caraïbes et tout ça. Ensuite, on a perdu l'Andalousie. 15e siècle, on commence à perdre l'Afrique. Les musulmans sont toujours là, hein, mais par contre, la hawla wa la quwwata illa billah, on a laissé les Africains dans la pire des situations, à la merci des catholiques. Là, qui ont commencé à prendre le chemin, ils ont dit, oh, mais c'est merveilleux ici, on va servir. Ils sont très accueillants, les Africains. Ça a mis du temps, ça aussi. Ça a mis du temps, les royaumes étaient en place. Il y avait des royaumes, des empires musulmans. Mais comment ils ont fait? Ils sont allés armer des peuplades non musulmanes et ils ont dit allez, attaquez les. Et après ils ont commencé à inventer les guerres ethniques. Tu es Peul, tu es Wolof, c'est parti. Et ça se. 15e siècle, on commence à perdre l'Afrique. 16e siècle, on commence à perdre la Méditerranée. Ça commence. C'est la catastrophe. Ça commence à être vraiment la catastrophe. Donc quand on dit la Méditerranée, le Maghreb. Hein. Maghreb, c'est juste, ils sont juste des gros malades entre eux, entre les nations berbères, les nations arabes, et même les berbères entre eux et les arabes entre eux. Ça devient du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et d'ailleurs, il se passe la même chose dans le Golfe, le Khalij. Ça commence. À tel point qu'à chaque fois, les Turcs viennent intervenir. Les Ottomans, ils interviennent. Ils tapent. Et calmez-vous, restez droit. Ils tapent. Et là, 17e siècle, ça y est. Là, on commence à vraiment perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. On commence à perdre les régions orientales. L'Inde, l'Afghanistan, etc. La Perse. Perdre en termes de biens. C'est pas la vraie perte totale, parce que la perte, ça prend du temps. 18e siècle, ça y est. Ils commencent après avoir rangé leurs affaires, l'Occident commence à se pencher et à regarder. Et à se dire, maintenant, on va commencer à revenir s'installer. Mais ils ont pris le temps de se préparer. Ils ont fait des universités. Ils ont développé leurs sciences. Ils ont commencé à écrire des livres. Ils ont commencé à traduire tous nos livres. Tous nos livres, sans aucune exception. Tous. Ils ont commencé à enseigner ce qu'étaient nos savants. Et après, hop, 19e siècle, ils envahissent. La colonisation. On n'a rien compris. On était juste là, comme ça. On était pieds nus, regardez. Franchement, on n'a rien compris. Et ils sont venus, ils sont installés. Ils ont dit, c'est bien, c'est chez nous ici. Ils ont dit, ah, les mosquées, on ne touche pas les mosquées. C'est eux qui, après, ils ont inventé les madrasas. Et c'est eux, c'est pas nous. Nous, on a inventé les universités. Et eux, ils ont inventé les madrasas. Et aujourd'hui, on a continué sur le madrasa. Alors qu'en réalité, c'est à l'université le principe. Ils ont dit, oui, restez le Coran, tous les jours. Oui, apprenez à vos enfants, à 3 ans, 2 ans, ce que vous voulez. Si vous voulez, on vous donne même les prix. Non, c'est un peu abusé. Ah, on vous laisse faire ça entre vous. Oui, parce que tant qu'on apprenait par cœur le Coran sans même pas comprendre un seul de ces mots, parfait, ils avaient tout gagné. On va prendre soin de vous, il n'y a pas de problème. Mais, par la grâce de Dieu, il y avait des Ashab al-Kahf. Il y avait des Ashab al-Kahf. Et oui, regardez la leçon. 5, 6, 7. Pourquoi Dieu a 6 sur leur nombre? 6, 7, 8. Parce que Dieu veut juste nous montrer une chose. Ils n'étaient pas nombreux. Et regardez ce que Dieu veut nous dire. Ils n'étaient pas nombreux et pourtant je raconte leur histoire. Vous comprenez? Dieu nous dit, ils n'étaient pas nombreux et pourtant je raconte leur histoire. Fa'atabiru ya ulil absar. Réfléchissez donc, vous qui voyez. Ça veut dire que c'est très peu de personnes qui changent tout. Et là, on arrive au 20e siècle. Abd Karim Khattabi, Amin Abd al-Qadir, Omar Mukhtar, Mohamed ibn Ali Sanoussi, des hommes comme ça, dont il faut connaître leur histoire. Abd Karim Khattabi dans le Rif pour le Maroc, Amin Abd al-Qadir, présent plus en Algérie, Mohamed ibn Ali Sanoussi, qui lui venait d'Algérie, Moustagadem, qui a fondé la Libye moderne, Sanoussi, et qui a fondé. En fait, justement, lui, il a dit, madrasa, tout ça, c'est du baratin. Il a fait ce qu'on appelle les zawiyas. Pas les zawiyas qu'on connaît aujourd'hui, hein. Truc bizarre, non. Les zawiyas c'est ce qu'on appelle des mini-universités. Et c'était puissant. Il a fait, c'est ce qu'on appelle la smala, hein. Il a fait un état. Il a fait un état dans l'état. Avec une structure économique, sociale, politique, avec une hiérarchie très bien ordonnée. Abd Karim Khattabi, il a fait une leçon aux colonisateurs. Une leçon que l'histoire retiendra pour toujours. Mais que les musulmans n'ont même pas oublié. C'est pas, ils ont oublié, ils ne la connaissent même pas. Là, c'était qui, on ne sait pas. C'est qui? Et ensuite, arrive de l'autre côté, encore une fois, des Ashab al-Kahf. Ça, c'est Ashab al-Kahf sur le terrain. Et il y avait Ashab al-Kahf sur le fikra, sur les idées. Jamal Din al-Afghani, Mohamed Abdou, Tahir ibn Ashour, etc. Saïd Nursi, Abdelhamid ibn Badis, des penseurs comme ça qui viennent et qui disent non, ça va pas, ce monde ne va pas bien, ça tourne pas rond. Mohamed Rachid Rida. Et après ils disent hop, il va falloir qu'on change les choses. Dieu nous dit istidraf, comme disait Mohamed Abdou, c'est violence qu'il dit. Hein. S'il y avait en Égypte, donc il écrit ça en 1900, parce que l'Égypte était colonisée par l'Angleterre. S'il n'y avait en Égypte que 10 hommes, rjal, des vrais hommes, je libère l'Égypte. Il a raison. Et après il dit, ou je cause beaucoup de tort aux Anglais. C'est-à-dire que les Anglais n'ont pas colonisé l'Égypte, ils sont installés en Égypte. Les Français n'ont pas colonisé l'Algérie, ils sont installés en Algérie. Je dis, c'est un département, on est bien ici. Oh, on est bien. On va rester, je crois, pour toujours. Ah ben, ils avaient beaucoup de chance d'y croire, ils ont réussi pendant un siècle à faire ça. C'est pour ça, des fois, attention à ce réflexe, à cette mentalité qui était chez nous, de dire, c'est parce que c'est l'islam qui a fait qu'on a eu l'Andalousie pendant 7 siècles, qu'on a eu l'Inde pendant 8 siècles, qu'on a eu telle région. Non, non, non, non. C'est parce que l'islam nous a accordé, nous a permis les savoirs nécessaires à réussir à avoir ces terres-là et ces contrées-là, qu'on les a eues. Mais dès qu'on a perdu ces savoirs-là, et ce rapport à cette science, à cet islam, on a tout perdu. Et on est en train de tout perdre aujourd'hui. Donc justement, et pour vous dire, en fin de compte, la boucle, elle se boucle sur quoi? Ben, sur le Coran, en fait. Comment finit Sourate Al-Kahf? Sourate Al-Kahf finit par une leçon, vous l'avez dit tout à l'heure. Une seule leçon, à retenir des quatre histoires. Laukan al-Bahar midad al-Kalimati. Si les mers étaient des encres pour la parole de Dieu. Les mers et les océans s'assécheraient bien avant que la parole de Dieu ne s'arrête. Et même si on amenait avec autant, Dieu veut dire quoi par là? Vous n'en avez pas fini avec le Coran. Vous n'en avez pas fini avec ses enseignements. Votre première et plus grave et plus terrible erreur, c'est d'avoir mis le Coran sur le côté. Vous l'avez mis sur le côté de la route et vous avez continué à avancer. Vous avez jeté votre GPS. Vous avez balancé votre carte. Vous avez tout enlevé. Mais vous êtes fou. C'est pas possible. Et comment vous avez commis cette erreur? La première erreur que vous avez commise, c'est en ayant donné ça uniquement entre les mains de ceux que vous avez pensé comme étant des savants. Ouais. Avant, le Coran était chez nous. Il était dans nos cœurs. Nos cœurs. Ça. Pas ça, ça. Après, on l'a enlevé. On l'a laissé dans le hanajir, on l'a laissé dans les gorges. Et oui, quand le prophète en a parlé en plus, ils réciteront le Coran, ça ne sortira pas de leur gosier. Ça veut dire quoi? C'est connu, le prophète sallallahu alayhi wa connaissait très bien la technologie, visiblement. En tout cas, la question vocale, ça sort des cordes vocales. Hein. Ça ne sort pas de là. Hein. Et nous, aujourd'hui, on récite le Coran. On le récite comme si c'était... J'aurais dit une chanson. C'est grave, c'est pas vrai, c'est pas possible. Pas nous, on pense pas ça quand même. Bah si. Parce que, ou hachal el Qur'an, mais qu'est-ce que fait qu'une chanson, à part susciter des émotions, émerveiller les sens, et rester dans la tête de ceux qui l'apprennent, n'est-ce pas? À part ça, une chanson ne change rien. Avons-nous vraiment fait du Coran une chanson? Nous récitons le Coran, mais c'est sérieusement? C'est-à-dire que Hada Kalamullah, c'est ça la parole de Dieu? La parole de Dieu, si on la récite tous les mois, tous les ramadans, pendant tout le mois, pour qu'on l'entende, c'est tout? Ou pour qu'on le mette quand toutes les gens meurent? Éventuellement quand ils naissent? Éventuellement, parce qu'on se demande pourquoi on fait dans le côté, mais pas dans l'autre côté, je sais pas. Et peut-être, hypothétiquement, pendant les mariages? Non, éventuellement, pour le baraka. On la récite tous en même temps, on sait même pas ce qu'on dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons perdu notre rapport au Coran. Parce que Dieu nous dit, la rahma, on y est accroché par sa parole, par sa révélation. Et nous obtiendrons ce que nous devons obtenir de bien qu'à travers sa révélation. Comment? Pas en la récitant. La preuve, franchement, sans déconner, vous croyez vraiment que le Coran a arrêté de le réciter dans le monde arabe quand il y a eu la colonisation? L'Aden en faisait toujours. Hein. Et les colons ne nous ont pas empêchés de faire l'Aden. D'ailleurs, ce sont les musulmans qui nous ont empêchés de faire l'Aden. Entre guillemets, un musulman. Vous voyez ou pas? Personne n'a empêché, à part les soviétiques éventuellement, ouais, un petit peu en Turquie, dans la face d'Atatürk. Parce que face d'Atatürk, quand même, c'était dans les caves hein, qu'ils apprenaient le Coran. Quand même. Dans les caves, mais les caves de nos caves. Hein. Pas des caves normales. Dans l'Empire soviétique, les musulmans de l'Empire soviétique faisaient des souterrains, des tunnels, pour étudier le Coran. Les tunnels. Parce qu'ils savaient s'ils se faisaient attraper, ils se faisaient tuer. C'est pas compliqué. C'était une époque aussi, si simplement tu réfléchissais, tu te faisais tuer, en fait. Soit tu travaillais pour l'Empire, soit tu te faisais tuer. Ah, nous, on n'a pas connu ça. Nous, ça va. Franchement, enfin, peut-être, je sais pas pour certains, mais... On n'a pas empêché les musulmans d'apprendre leur Coran pendant la colonisation. Ouais, ça donnait quelque chose. Hein? Par contre, c'est vrai. Les gens comme Omar Mokhtar, comme l'émir Abdel Kader. Vous allez me dire, oui, mais lui, il connaissait le Coran. Ben oui, mais il le connaissait. Il le connaissait comme on connaît un très bon ami. Il le connaît comme on connaît un intime. Il le connaît comme on connaît un professeur. Depuis de très longues dates. Il le connaissait très bien, le Coran, oui. Omar Mokhtar, oui, pareil, il le connaissait très très bien, le Coran. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, il faisait apprendre le Coran aux enfants. Mais pas apprendre, encore une fois, dans les Zawiyah de Sanusiyah. C'est-à-dire, en fait, la rigueur, il leur donnait un sens. Il donnait toujours des leçons. Comment on fait? Pourquoi Dieu a révélé ça? C'était extraordinaire. Vous n'imaginez pas ce qu'il faisait. Je suis tombé sur des traités historiques sur ça. C'est magnifique. Il demandait déjà à des enfants de faire des réflexions sur le Coran. Ce qu'on appelle l'ijtihad. Il dit, l'ijtihad, vous commencez, vous, enfant. Vous dites l'ijtihad, dès que je vous dis l'ijtihad, déjà, je crois que la plupart ne savent pas ce que ça veut dire. Ensuite, ceux qui savent ce que ça veut dire, haram, on ne peut pas le faire. C'est que les ulama qui peuvent le faire. Mais c'est ce qui fait de vous des savants. Vous ne pouvez pas, c'est pas en étant savant qu'on fait l'ijtihad, c'est en faisant l'ijtihad qu'on devient savant. C'est pas le... Car l'ijtihad, c'est quoi l'ijtihad? L'ijtihad, c'est l'effort critique d'interprétation de réflexion. C'est ça l'ijtihad. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Man ijtahada, celui qui a fait un effort de réflexion à partir de la vérité et du texte, et qui a fait une erreur, il a une récompense. Et s'il a fait une bonne décision, une bonne idée, une bonne réflexion, et donc une bonne chose, alors il aura une double récompense. C'est ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire réfléchissez, bougez votre tête, réfléchissez. Mais vous ne réfléchissez pas comme ça. Le Coran. Donc oui, il est impératif de s'approprier le Coran, de reprendre ce Coran entre nos mains et de commencer à réfléchir et à méditer ce qu'il nous dit. Et à réfléchir tout seul. Je dis bien tout seul, ça veut pas dire sans l'aide de quelqu'un. Tout seul, ça veut dire d'abord tout seul. C'est prendre le courage de comprendre que Dieu vous parle. Parce que vous devez croire en une chose, sinon on n'est pas clair. Que le Coran transforme, que le Coran génère, que le Coran produit. Mais il produit... Il ne produit pas par magie. Il produit, il faut une terre, il faut la graine, il faut la planter, il faut mouiller la terre, il faut l'exposer au soleil, il faut l'entretenir, alimenter la terre et attendre. Attendre en agissant. Jusqu'à ce que la plante arrive à pousser. Et on prend soin. C'est ça que le Coran fait. C'est ça que le Coran est censé générer. C'est ça qu'il doit créer en nous. Cette force-là. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas passer un mois de Ramadan en ne faisant que voir le Coran, comme on voit un train qui passe. Le train, ça va vite, c'est beau, c'est super, c'est impressionnant. Oui, et le Coran, c'est impressionnant, c'est beau, et ça va vite. Ça va très vite en un mois. Mais ne restez pas sur le bord, arrêtez de regarder le train, rentrez dedans. Parce qu'en fait, même vous devez même le faire, ce train. Le Coran est là pour vous. Et là, maintenant, Dieu nous dit, vous avez Ramadan, maintenant je vous laisse le temps libre. Je vous ai débarrassé vos déchets dans votre temps. Vous avez des déchets dans votre temps, dans votre journée. Allez, je vous en ai débarrassé. Travaillez sur le Coran. Agissez. Wallah, sincèrement, si chacun d'entre nous, on arrive juste à maîtriser, je dis bien maîtriser une sourate. Maîtriser, quand je dis maîtriser, c'est comprendre tout ce qu'elle veut dire pour moi. Tout ce qu'elle veut dire pour maintenant. Tout ce qu'elle veut dire pour 2014. Tout ce qu'elle veut dire là pour bientôt 2015, 2016, 2017. Tout ce qu'elle veut dire pour 2020. Tout ce qu'elle peut vouloir dire maintenant pour moi. Si vous maîtrisez une sourate comme ça, votre vie change totalement. N'oubliez pas que Mohammed ibn Abdillah est devenu Rasulullah par 5 lettres, par 5 mots, par 5 phrases. De Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Jusqu'à Min Alaq. 5 phrases a fait de Mohammed ibn Abdillah Rasulullah. Et nous, on récite, on récite, on récite, on récite, on récite, et on fait. C'est pas possible. Je fais le break maintenant. Ouais, on va prendre des questions. Enfin, ou ouais, la réaction ou interaction, c'est. Ouais, ou même le remarque. Si vous le cœur vous en donne. Donne l'envie. Qui explique qu'il faut partir à l'adolescence pour atteindre un niveau d'égalité avec en face, en passant par la phase de connaissance avant d'arriver à la puissance, le pouvoir. Moi, c'est par rapport à la phase en fait de prise. Et justement, tu as dit que c'était tout le rapport ces soirs, tu avais un lien avec notre époque. Est-ce que tu ne penses pas que justement le trait en question qui est face au Moussa n'est pas la représentation d'un instinct spirituel ou d'une liaison spécifique avec Dieu, parce que ce qu'elle traitait n'est pas un prophète, mais qu'il est un serviteur parmi les serviteurs, et qu'en ce sens, il donne des réponses à Moussa, qui lui est représentativement le prophète de la loi, de la Torah, donc du sens extérieur des choses, et que justement, les musulmans, les écoles juridiques musulmanes, les savants musulmans, et les musulmans dans son sens sont, comme tu l'as dit, à la périphérie du Coran et à la périphérie de l'islam. Parce qu'ils ne vivent pas intérieurement peut-être ce message. Donc est-ce que c'est pas non plus une connaissance, invite à une connaissance, mais qui n'est pas une connaissance purement intellectuelle ou purement spéculative? Exotérique, esotérique. Mais oui. Pour question importante, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, c'est l'indice, il est dans la première chose que dit Khidr à Moussa alayhi salam. Il dit innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Tu ne pourras pas patienter avec moi. Et il lui dit un truc magnifique, wa kayfa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khibra. Et littéralement, ça veut dire quoi? Et comment pourrais-tu patienter pour quelque chose dont tu n'as pas? Et on a traduit souvent par connaissance. Or non, littéralement, en réalité, ça veut dire expérience. Et comment peux-tu patienter sur quelque chose que tu n'as pas expérimenté? Et là, effectivement, tu as fait le cas, pour souligner un peu ce que tu dis, c'est qu'effectivement, le Khidr représente celui qui a acquis un savoir par expérience, par la vie. La vie lui a appris beaucoup. On y voit une sorte de maturité par la vie. Et même, mais qui arrive à un moment donné, parce que c'est vrai, Rahmatan min ladun, il a une miséricorde, parce que les savants disent que cette miséricorde qu'il a de la part de Dieu, ça ne peut pas être autre chose que la prophétie. C'est pour ça qu'ils étaient très gênés avec le personnage d'Al-Khid, prophète ou pas. Comment? Abdoun min ibadina, et de l'autre côté, Rahmatan min ladunna. Ça ne marchait pas. Et effectivement, c'est un peu comme, j'oserais presque dire, c'est un peu comme la foudre ou l'orage. Il y a la foudre qui tombe du ciel, et il y a celle qui monte. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le prophète, lui, ça tombe du ciel. Il connaît Dieu parce que Dieu s'est fait connaître à lui. Alors que le Khidr, lui, il a une connaissance qui l'a amené vers Dieu. Si on peut prendre cet axe-là, bien sûr. Et qui a fait qu'à un moment donné, par l'expérience, et c'est ça la fameuse question de Khibra, et la question de l'expérience que les gens peuvent vivre, les fameuses sagesses. Des gens arrivent à un certain niveau de sagesse parce que la vie leur a beaucoup appris. Ils n'ont pas une connaissance livresque, ils n'ont pas une connaissance théorique, ils n'ont pas une connaissance technique, académique. Ils ont une connaissance pratique et pragmatique. Mais ils ont été suffisamment à l'écoute et attentifs. Ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont fini par comprendre. Et que, oui, effectivement, c'est ça qui est intéressant parce que on a cette situation. Pourquoi donc je peux vous montrer cette parenthèse de Moussa et le Khidr? C'est que justement le Khidr nous montre que, attention, maintenant c'est presque deux choses. C'est une évaluation de ce que vous savez faire. Pourquoi évaluation? C'est pour conclure cette réponse, mais évaluation parce qu'on a là une démonstration très particulière d'une symétrie coranique. Il y a là une symétrie coranique. Vous avez trois histoires avec Khidr et Moussa. Et c'est d'ailleurs trois histoires, et vous avez à côté trois histoires dans la sourate. Et dont en fait l'axe symétrique, c'est l'histoire de Khidr. Vous voyez le truc? Il y a trois histoires. Les adolescents, les jardins, Dhul Qurnayn. Et avec Khidr, il y a trois histoires. Il y a l'enfant, le bateau, la maison. Vous voyez le principe? Tout comme Dhul Qurnayn rencontre trois peuples. Il se trouve de trois endroits différents. Et bien cette symétrie, en fait c'est fait exprès, hein. Ça va tellement loin dans la symétrie qu'à un moment donné on repère qu'il y a une symétrie avec la vie de Moussa alayhi salam. Le premier récit c'est quoi? C'est le bateau. Qu'est-ce qui se passe dans le récit du bateau? Le Khidr perce le bateau, ça veut dire qu'il empêche des gens d'aller dans l'eau pour les sauver. Les sauver au niveau de leur travail. Ouais. Alors que Moussa, quand il était petit, on l'a balancé à l'eau pour le sauver de la mort. Premier élément de symétrie, le rapport à l'eau. Deuxième élément de symétrie, l'histoire c'est on tue quelqu'un qui se fait tuer. Donc c'est le jeune homme là qui se fait, enfin l'enfant qui se fait tuer. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le rapport avec le parallèle avec Moussa? Ben, Moussa tue quelqu'un. Ouais. Il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un, alors justement, lui, il s'en voulait parce que, voilà, il s'est dit, il sait pas ce qu'il voulait, etc. Alors, vous voyez le, c'est là pourquoi, c'est pour ça que le Christ dit, tu pourras pas patienter, Moussa. Parce que c'est trop en rapport avec ta vie. Mais tu ne t'en rends même pas compte. La troisième élément de symétrie, vous voyez, donc vous avez compris la symétrie sur la deuxième. Le troisième élément de symétrie, c'est, Khidr rend service à des propriétaires d'une maison. Mais il ne demande pas de salaire. Et pourquoi? Pour que, en fait, à la fin, les deux orphelins auront un bienfait. Qu'est-ce qu'a fait Moussa? Moussa a rendu service à deux femmes pour qu'elles aient pu se prendre le puits, mais il ne leur a pas demandé de salaire. Mais il a obtenu un bienfait. Vous voyez, là, l'aspect symétrique, c'est ça, en fait, c'était une des leçons. Une des leçons, parce qu'il y en a énormément par rapport à Khidr, mais une des leçons par rapport à Khidr, c'est que Khidr lui a fait une sorte d'évaluation, un peu ce qu'on appelle le retour d'expérience. C'est, qu'est-ce que tu as compris de ta vie? En quelque sorte. Khidr a montré à Moussa, qu'est-ce que tu as compris de ta vie? Tu as été sauvé des eaux. Tu as tué quelqu'un. Tu as rendu service à quelqu'un, ça t'a amené un foyer, une femme et des enfants. Alors que, justement, et tu n'as pas demandé. T'as pas demandé quelque chose en échange. Qu'est-ce que tu as appris de ta vie? Vous voyez ou pas? Un retour sur expérience. Une rétrospective. Et c'est pour ça, c'est vraiment pour ça que le Khidr lui dit de manière un peu, j'oserais dire, taquine. Quelque part, il lui dit, tu peux pas patienter. Il dit, comment tu peux patienter alors que tu... En gros, tu peux pas comprendre. Ça va être trop difficile pour toi, c'est trop proche. Et ça nous évite à cette question du recul. Et effectivement, de revenir sur le fond. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que fait le Khidr lui apprend ce qu'il y avait en fait en Moussa. Ce qui était déjà dans Moussa. Cette fameuse, comment on dit, théologie du dévoilement, ou celui du dévoilement. C'est qu'en fait, un dévoilement, c'était déjà chez toi. Mais tu ne l'as pas vu. C'était trop en toi pour que tu le vois. Effectivement, donc le retour sur soi, cette introspection. Ouais, c'est un peu ça, ce que ça nous fait ressentir, cette symétrie. Dans l'histoire de Moussa, qui est pleine de, qui abonde dans énormément de leçons. C'est bon. Voilà. Ce que tu as partagé avec nous. Moi, je voulais revenir sur le début, en fait, quand tu as parlé de Laylatul Qadr. Je ne voudrais pas devancer tes futures interventions. Mais tu as parlé d'indicateurs d'efficacité, d'efficacité sur notre jeûne, Et je voulais savoir, en fait, si cet indicateur se traduit de la même façon pour chacun de nous. Et même, peut-être que j'extrapole, mais est-ce que Laylatul Qadr se présente de la même manière à chacun de nous? C'est surtout ça mon interrogation. Ouais. Même si j'y reviendrai plus tard, mais pour te dire rapidement et pour faire un peu du teasing, en fait, justement, une, Laylatul Qadr, il faut comprendre, vous voyez, on sait bien la valeur de cette nuit. Qu'est-ce qu'on a constaté? Malheureusement, il y a une incompréhension de la sunna. Où, à un moment donné, le prophète a dit, cherchez-la dans les 10 dernières nuits. Après, il dit, cherchez-la dans les nuits impaires. Bon, le truc impair, vous allez savoir pourquoi. Malheureusement, regardez notre compréhension, comme on a une compréhension passive, on a donc eu une attitude passive vis-à-vis de ce texte. Compréhension passive qui a fait quoi? C'est, bon, le 21, le 23, le 25, le 27, et même le 29. Alors que si tu prends l'autre côté, tu dis, attends, deux secondes. Dieu dit dans le Coran que Laylatul Qadr a un immense mérite, apporte énormément de choses. Est-ce que c'est dans la miséricorde de Dieu de la laisser brouillard, de laisser brouillard autour de ça? Est-ce que c'est la rahma de Dieu ça? Non, impossible. Impossible. Ça veut dire qu'en fait, non, quand Dieu l'a révélé cette sourate-là, il nous l'a donnée. Il nous a dit, vous avez Laylatul Qadr, elle est pour vous, cadeau. Donc du coup, elle va venir selon chacun. Quand le prophète dit cherchez-la dans les 10, ça veut dire que toi tu la trouveras le 21, l'autre tu vas la trouver le 22, l'autre va la trouver le 23, l'autre va la trouver le 27, l'autre va la trouver le 3, l'autre va la trouver le 5, l'autre va la trouver le 10. Et oui, parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes. Il y a des gens qui ont préparé les escadres avant Ramadan. Et donc c'est pour ça que il départ sur les chapeaux de roue dès le début de Ramadan. D'autres vont trouver l'Etkat à la fin de Ramadan, parce qu'il a fallu qu'ils soient travaillés au corps. Il a fallu qu'on les dépouille de tout ce qu'ils ont fait de pavillon, de tous leurs démons. Ben oui, parce qu'on est hanté par nos mauvaises actions, on est hanté par nos idées, par nos troubles, par ce qu'on a pu faire avant. Et donc, l'enjeu de Ramadan, c'est de se débarrasser de ça pour pouvoir accueillir la parole qui fera de ta nuit de Ramadan une nuit d'Al-Qadr, une nuit de la décision, une nuit de décret. Je décrète, c'est moi qui décrète. Donc oui, et c'est pour ça qu'elle se traduira très différemment et que ce sera une évaluation très différente. C'est ça qui est puissant. Et ça dépend de beaucoup de personnes. Il y a des personnes, il faut qu'ils changent beaucoup de choses. Parce qu'en fait, ils ont acquis beaucoup de choses, en fait. Et d'autres, il leur faut un tout petit peu. Un tout petit peu. Certains, ça peut être très bête. Hein. Parce que c'est un peu de la théorie du chaos, hein, si je puis dire. Il suffit qu'à la fin, vers la fin de Ramadan, parce qu'il a galéré, mais il a médité cette galère d'arrêter de fumer pendant les journées de Ramadan, par exemple. Par exemple, hein, mais vraiment, et je pèse cet exemple. Il l'a vécu comme une vraie galère, et il a médité cette galère. Et méditant cette galère, à la fin de Ramadan, il est arrivé finalement à se dire, parce que la nuit il fumait. Il y en a beaucoup qui font ça. Et c'est triste. Mais à un moment donné, à la fin de Ramadan, il est arrivé à se dire, en fait, mais pourquoi j'ai. Il a réfléchi à tout ça, il s'est dit, ça y est, j'arrête. Définitivement. Et toi, tu pourrais dire, ou n'importe qui pourrait dire, ouais, bon, c'est bien, tant mieux, encore heureux quand même, t'es en train de te tuer. Non. Cette décision qu'il a vraiment prise tout seul, en intimité, là, il ne dit ça à personne. Il l'a prise tout seul. Et c'est l'effet de Ramadan et la méditation du Coran qui l'a amené à cette décision réelle et profonde. En fait, il a exprimé peut-être pour la première fois de sa vie sa vraie volonté à lui, sa volonté autonome. Et après avoir pris vraiment cette décision, quand il arrive sur après Ramadan, non seulement il a arrêté de fumer, mais en fait, c'est ouvert et c'est généré quelque chose en lui qu'il ne soupçonnait même pas, à savoir, il a commencé à prendre les rênes de sa vie. Et là, tout d'un coup, commence à s'enchaîner un cercle vertueux de changement, de résolution et d'action. Et il ne s'en est même pas rendu compte, mais sa vie est en train de changer. Mais en ayant pris cette décision-là. Vous voyez, c'est ça le chercher là. Chercher l'état de cadre, c'est chercher le grain de sable dans le grenage. Chercher le frein à main là, qui bloque votre vie. Chercher la poussière qui s'est accumulée dans un endroit et qui fait que ça marche, ça n'arrive pas à avancer. Cherchez ça. Et le Coran va vous aider à faire ça. Le Coran des poussières. Le Coran, c'est des vagues. Pourquoi l'image des océans? Des vagues qui viennent quand on les prend. Parce que si tu restes comme à la périphérie, ah bah tu vas pas te mouiller les pieds. Hein. Mais si tu restes ferme, tu t'enterres à moitié et t'attends de prendre les vagues pour bien comprendre ce qui se passe. Matin et soir, jour et nuit, à jeun et le soir, etc. À un moment donné, il va rester un truc. Tu vas capter, tu vas voir la vague qui va venir, tu vas voir un truc qui arrive. Tu l'attrapes. Cette fameuse perle. C'est cette révélation que Dieu t'a donnée. Je l'évoquerai dans le détail la prochaine fois, mais c'est ça un peu l'idée. On demande qu'Allah Ta'ala nous pardonne et qu'il nous fasse rentrer dans sa clémence et de sa miséricorde et qu'il nous comble de ses bienfaits comme il nous a donné tellement de ses bienfaits. Ya Allah, nous t'implorons et nous demandons de nous couvrir de ta miséricorde et de faire miséricorde à ceux qui nous ont précédés et de faire miséricorde à nos parents et de faire miséricorde aux parents de nos parents et de faire miséricorde à ceux qui nous ont enseignés et ceux qui nous ont appris et ceux qui nous ont tant appris. Ya Allah, nous te demandons d'être miséricordieux envers nous-mêmes et d'être miséricordieux envers nos proches et ceux que nous aimons. Seigneur, nous te demandons de guérir et de soulager les malades et les blessés et de panser leurs blessures, d'alléger leurs souffrances et de faire effacer leurs maux et de les guérir définitivement d'une guérison qui ne fera nul retour à quelconque maladie. Seigneur, tu es toi le seul guérisseur, toi seul apporte la guérison des souffrances, la guérison des maladies, la guérison des maux, la guérison des folies, la guérison des ignorances, la guérison des insouciances, la guérison des incohérences, la guérison des torts, la guérison des injustices. Seigneur, tu es toi celui qui guérit, qui réforme, c'est toi qui corrige et qui forme, c'est toi qui crée et qui recrée, c'est toi qui amène la création une première fois, qui la ramène une dernière fois et qui la ramène une deuxième fois. Seigneur, tu es toi celui qui est au commencement de toute chose et qui est à la fin de toute chose, tu es toi celui le premier, mais tu es aussi le dernier. Seigneur, tu es toi le créateur de toute chose et le concepteur de tout. Seigneur, couvre-nous de ta miséricorde, accorde-nous ta sagesse, couvre-nous par ta miséricorde, augmente notre bienfait, augmente notre savoir, augmente notre clémence. Seigneur, te demandons de nous débarrasser de nos défauts, de nous débarrasser de nos torts, de nous débarrasser de nos mauvaises actions, de nous débarrasser de nos mauvaises pensées, de nous débarrasser de nos mauvaises habitudes, de nous débarrasser de nos mauvais comportements. Seigneur, améliore notre morale, améliore notre éthique, améliore notre caractère. Seigneur, tu donnes tellement de choses à celui à qui tu anoblis son caractère, au premier rang desquels notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seigneur, anoblis notre caractère, fais que notre caractère gagne en noblesse et en douceur, car tu es toi celui qui aime la douceur dans le comportement. Seigneur, fais que nous ayons un doux caractère et que nous fassions preuve de mansuétude et d'indulgence. Seigneur, soulage-nous de nos problèmes, quels qu'ils soient, moral, physique, économique, social, relationnel, intellectuel. Seigneur, soulage-nous de nos problèmes, soulage nos problèmes, nos proches, et apaise notre âme, apaise nos cœurs, apaise notre esprit, apaise notre intelligence. Seigneur, augmente notre savoir. Tu es toi celui qui connaît absolument tout, qui connaît le visible et l'invisible, qui connaît ce qui est caché, ce qui est divulgué. Seigneur, te demandons de nous pardonner ce que tu connais et ce que nous ignorons, et de nous pardonner ce que nous connaissons et ce que tu savais avant. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, fais-nous rémission de nos fautes. Couvre-nous de ta miséricorde, couvre-nous de ta clémence, et fais que nous soyons bienveillants envers tes serviteurs, et fais que nous soyons au service de tes serviteurs. Seigneur, nous te demandons d'être au service des êtres humains, d'œuvrer pour que les êtres humains vivent mieux, pour que les êtres humains aient une meilleure vie, pour que cette terre soit dans une meilleure gouvernance. Seigneur, nous te demandons le bien dans ce monde, le bien dans ce monde, le bien dans cette existence, et le meilleur dans l'au-delà, et le meilleur dans cette autre existence, dans cette demeure dernière. Seigneur, accorde-nous le paradis, tout ce qui nous permet d'y accéder en parole et en acte, et épargne-nous et évite-nous l'enfer, ici-bas et dans l'au-delà, et tout ce qui nous est conduit en parole et en acte et en pensée. Seigneur, raffermis nos pas, donne-nous le courage et la force d'affronter notre vie, et d'affronter nos défauts, et d'affronter notre existence, et de réaliser le projet que tu as établi pour cette vie, le projet que tu as établi pour cette humanité. Seigneur, fais-nous sublimer, fais-nous transcender, fais-nous vivre cette vie dans la meilleure des jouissances et de bonheur. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.